وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui les frères, on va continuer et terminer bi-idhnillah ce sous-chapitre concernant le fait de suivre fermement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout cela bien entendu dans cette série de cours, l'explication du chapitre de la fermeté sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam tiré du sahih de l'imam al-Bukhari. Alors l'imam al-Bukhari rahimahullah, il nous cite un hadith avec sa chaîne de transmission qui monte jusqu'à Ubaydullah ibn Abdillah ibn Utba. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة ابن حسن ابن حذيفة ابن بدر فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس ابن حسن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخي يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه قال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس فاستأذن لي عيينة فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم بأن يقع به فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه. Et donc, dans ce hadith, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, qui dit que Uyayna ibn Hisn ibn Huzayfa ibn Badr, donc Uyayna, le fils de Hisn, fils de Huzayfa, fils de Badr, il est venu voir le fils de son frère qui s'appelle Al-Hur ibn Qais ibn Hisn. Et il faisait partie des gens que Omar prenait pour rapprocher. Donc le fils de son frère faisait partie des personnes qui étaient proches de Omar. Ça c'était à l'époque où c'était Omar radiallahu anhu, le gouverneur des musulmans. Et il nous dit, et certes, donc les savants, ici le terme Al-Qurra, ce qui est voulu ici c'est les savants. Les savants, ils étaient les gens qui faisaient partie des assises de Omar. Et de ceux avec qui Omar faisait al-Mashura, le fait de demander des conseils, qu'ils soient âgés ou jeunes, subhanallah, qu'ils soient âgés ou jeunes, Omar il les prenait pour prendre des décisions importantes concernant la communauté musulmane. Cela nous montre, oh chers frères, barakallahu fikoum, que l'individu, la science et le fait d'œuvrer avec la science, cela l'élève, peu importe qu'il soit âgé ou jeune. Alors, Uyayna, qui est venu en voyage, il a dit au fils de son frère qui était proche de Omar, il lui a dit, est-ce que tu peux demander pour moi à Omar afin que je puisse le rencontrer? Ce qui est voulu ici, c'est en privé, parce que Omar, on pouvait le rencontrer à n'importe quel moment. Omar, ce n'était pas un gouverneur qui marchait avec des gens pour le protéger. Mais tu pouvais le rencontrer à n'importe quel moment. Ce qui est voulu ici, c'est, je veux le rencontrer en privé. J'ai quelque chose de privé à lui dire. Alors il lui a dit, oui, je vais demander pour toi. Ibn Abbas qui raconte cette histoire, il dit donc que Al-Hur, il est allé demander à Omar si Uyayna, il pouvait le voir en privé. Lorsque Omar a permis cela, lorsque Uyayna est rentré, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh Ibn al-Khattab. Donc déjà, il a appelé Omar, qui était Amirul Mu'minin. Il ne l'a pas, qui était le prince des croyants, il ne l'a pas appelé prince des croyants. Et la première fois, quand il a demandé au fils de son frère, il lui a dit, est-ce que tu peux demander la permission pour moi auprès de ce gouverneur? Indahed al-Amir. Il n'a pas dit le prince des croyants, alors que Omar était le prince des croyants à son époque. Et encore une fois, lorsqu'il le rencontre, Ya ibn al-Khattab, oh ibn al-Khattab. Et donc, Déjà, premièrement, il ne reconnaît pas le niveau des grands. Il ne reconnaît pas le niveau des grands. Comme on a à notre époque des gens, ils ne reconnaissent pas les gens de science. Au hôtel, ils cherchent à rabaisser les savants, à les critiquer sans rien, sans preuve, sans argument. Oh Ibn al-Khattab, par Allah, tu ne nous donnes pas beaucoup. C'est-à-dire, tu ne nous donnes que très peu. Et tu ne juges pas d'entre nous avec justice. Tu n'es pas juste. Alors Omar, quand il a entendu cela, il s'est énervé. À tel point qu'il voulait frapper cet homme. Alors El-Hur, donc qui était le neveu de cet homme, El-Hur qui est venu pour intercéder donc pour cet homme, El-Hur qui a dit « Ya Amir al-Mu'minin, ô prince des croyants !» Certes, Allah Ta'ala, il a dit à son prophète dans son livre « Khudh al-'afw wa'mur bil-'urf wa'arid 'anil jahilin » Allah, il a dit à son prophète « Fais preuve de clémence. Sois clément, ordonne le bien et détourne-toi des ignorants. » Il lui a dit, et certes, celui-ci fait partie des ignorants. Ce n'est pas l'histoire de mon oncle, la famille ou autre. Non, non, là, il a fait quelque chose de grave. Il n'y a plus l'histoire de famille ici. Là, c'est la vérité qui est prise en compte. On ne défend pas nos enfants, on ne défend pas nos époux ou nos épouses, on ne défend pas nos parents dans le faux. Ce n'est pas parce que c'est ta famille que ça veut dire que tu les défends dans le faux. Ce n'est pas un jour tu es en France ou tu es dans un autre pays, tu vois un frère martiniquais qui fait n'importe quoi et tu vas le défendre sous prétexte que « Madinina ». Ça n'existe pas ça en islam. Ça s'appelle comment ?« El-Hamiyatul Jahiliya ». Ça c'est interdit, formellement interdit en islam. Et donc, barakallahu fikoum, nous devons faire attention à ne pas tomber dans ce genre de déviance. Alors, il a dit « Oh, prince des croyants, et cet homme fait partie des ignorants ». Regardez ici, qui a conseillé Omar ? El-Hur qui ne fait pas partie des compagnons. Il ne fait pas partie des compagnons. Il a un degré moindre que Omar. Il parle d'une personne qui a manqué de respect à Omar. Est-ce qu'Omar lui a dit non, là, ça ne te concerne pas, tu n'as pas mon niveau. C'est moi là déjà, le messager d'Allah. Après le messager d'Allah, c'est Abu Bakr et après Abu Bakr, c'est moi. Donc toi, tu restes à sa place, tu restes à ta place. Il ne lui a pas dit ça. Cet homme est venu conseiller Omar. Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Ibn Abbas qui raconte cette histoire, il nous dit par Allah, lorsque El-Hur lui a récité ce verset, Omar n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Un homme qui lui manque de respect. Et Omar qui sait qu'il a la capacité de régler le problème de cet homme en 2 secondes, il a entendu le verset, il n'a pas bougé. Fais preuve de clémence, ordonne le bien et détourne-toi des ignorants. Et il nous dit et c'était un homme qui respectait fermement le livre d'Allah. Ce que Allah il ordonne, il le fait. Ce qu'Allah il interdit, il le délaisse. Et donc Omar n'a rien fait à cet homme lorsqu'il a entendu ce verset. Il y a certes dans ce verset, il y a certes dans ce hadith, dans cette histoire, mon cher frère, le fait de nous inciter à nous accrocher au livre d'Allah ainsi qu'à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de nos conflits. Souvent lorsqu'il y a des conflits entre des frères, tu leur dis « Yahi taqillah, crains Allah, réconcilie-toi avec ton frère. » Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre « Fattakullaha wa aslihu dhata baynikum » Wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Il dit dans son livre, alors craignez Allah et réconciliez-vous. Obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyant. Tu dis à la personne, crée Allah et taqillah, et te dit non, il m'a manqué de respect. Yahi, fais comme Omar. C'est le livre d'Allah qu'on met avant nos propres personnes. Il m'a manqué de respect, mais je mets le livre d'Allah avant ma propre personne. Et ça, c'est une éducation que nous devons nous faire. C'est pas facile, attention les frères, je ne dis pas que c'est facile. Ça n'est pas facile. Mais Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala sait que pour certains, les choses sont plus difficiles que pour d'autres. C'est pas facile d'accepter que quelqu'un te parle mal. C'est pas facile d'accepter que quelqu'un te regarde mal. Ce n'est pas facile d'accepter le manque de respect. Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné 3 jours. Tu as 3 jours, le temps de te calmer, faire descendre la pression. Et ensuite revenir vers ton frère, tu n'as pas le droit de le boycotter plus de 3 jours. Parce que notre religion nous appelle à l'union. Il y a aussi dans ce hadith, encore une fois, la mise en garde contre l'ignorance. Al-Hur qui dit de son oncle, certes, celui-ci fait partie des ignorants. Regardez donc le comportement, son ignorance, ça l'a mené à manquer de respect à Omar, radiallahu anhu. Et dire que celui-ci ne juge pas en étant juste, et certes, nous connaissons la biographie de Omar, qui montre les efforts qu'il faisait pour être juste, et qu'il marchait le soir pour chercher des personnes qui avaient besoin de secours, besoin d'aide, pendant que les gens dormaient, et qu'ensuite un ignare vienne le voir pour dire « tu ne juges pas d'entre nous avec justice ». Et donc, il est important qu'on apprenne notre religion, afin qu'on ne tombe pas dans ce genre d'agissements qui sont affiliés aux ignorants. Le hadith d'après, Al-Bukhari, rahimahullah, il nous cite la chaîne de transmission qui va jusqu'à Asma binti Abi Bakr, Asma la fille de Abi Bakr, radiallahu anhuma. Annaha qalat, ataytu Aishata hina khasafat ash-shamsu wan nasu qiyam wa hiya qa'imatun tusalli. Et donc Asma, la fille de Abi Bakr, elle dit, je suis venue voir Aïcha lorsqu'il y a eu, donc durant l'éclipse solaire, pendant que les gens priaient, et elle aussi, elle priait. Fakultu malinnas. Alors j'ai dit, qu'est-ce que les gens ont? Pourquoi ils prient? Fa'asharat biyadiha nahwa as-sama. Alors Aïcha, pendant qu'elle priait, elle a montré avec sa main vers le ciel. Ici, on voit quoi? On voit que pendant que tu pries, il t'est permis donc de répondre à quelqu'un en faisant des signes, etc., etc. Et donc Aïcha lui a montré le ciel avec sa main. Fekolet subhanallah. Fekultu aya. Alors elle a dit subhanallah. Asma, lorsqu'elle a entendu ça, elle a dit aya, c'est un signe. Un signe venant d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Kolet bira'siha an na'am. Elle a dit avec sa tête oui. Ça veut dire quoi, elle a dit avec sa tête? Elle a bougé sa tête comme ça. Oui, pendant qu'elle priait. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِ هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. Et donc, elle dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini sa prière, il a loué Allah et a fait ses éloges. Puis il a dit, il n'y a nulle chose que je n'avais pas vue auparavant sans que je l'ai vue, donc à cet instant, même le paradis et le feu. Et certes, il m'a été fait révélation que vous serez éprouvés dans vos tombes, une épreuve qui est proche de la fitna du Dajjal. Et donc ici, il y a quoi, chers frères? Le fait qu'on sera éprouvé dans les tombes et qu'on doit se préparer pour cette épreuve. Tu seras seul dans ta tombe. Dans ta tombe, tu ne pourras pas appeler « Oh, Foulel, viens m'aider, oh, un tel !» Tu seras seul. Il n'y aura pas ton épouse ou tes enfants. Parfois, lorsqu'on est là, on peut se dire « Ah tiens, je vais prendre un peu le Coran, je vais apprendre ma religion, je vais faire ci. » Mais on est là, on va passer toute la journée avec nos enfants, avec nos épouses. Et à la fin de la journée, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on ne peut même plus lire et méditer, on dit, bon allez, maintenant on regarde dans le livre d'Allah. Maintenant que j'ai fait tout ce qui concerne la dunya, c'est maintenant que je suis mort, que je regarde le livre d'Allah. Tu prends le livre d'Allah, tu pries, tu lis même pas une page, que ça y est, t'es parti. Au jour de la résurrection, ou du moins, excusez-moi, dans ta tombe, toutes ces personnes à qui tu as donné tout ça de temps, ne seront pas là pour t'aider dans ta tombe. Il n'y a pas histoire de venir m'aider ou autre. Non, personne. C'est tuftanuna fi kuburikum. Vous serez éprouvés dans vos tombes. Il dit sallallahu alayhi wa sallam. Fa amma al-mu'min awil muslim la adri ayya dhalika qalat asma fa yaqulu muhammadun ja'ana bil bayyinat fa ajabnahu wa amanna. Et donc le narrateur du hadith, il nous dit, en ce qui concerne le croyant ou le musulman, je ne sais pas qu'est-ce que Asma elle a dit. Elle a dit soit croyant, soit musulman, un des deux. Il nous dit, alors celui-ci, ce croyant ou ce musulman, durant son épreuve, lorsqu'il sera éprouvé, il dira, Mohammed est venu à nous avec des éclaircissements et nous avons répondu à son appel et nous avons cru en lui. Parce que dans la tombe, il nous sera demandé « Qui est ton Seigneur ? Qui est ton prophète ? Quelle est ta religion ? Quelle est la religion avec laquelle est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» Dans la tombe, tu n'auras pas ta raison, ton cerveau pour parler, pour réfléchir. C'est-à-dire que c'est maintenant que tu dois œuvrer afin que Allah tabaraka wa ta'ala te donne la possibilité de répondre correctement dans ta tombe. Et donc nous devons préparer ces questions. Beaucoup de personnes ne savent pas quelle est la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne connaît pas sa croyance. Quelle est sa croyance? On sait, oui, il est venu avec l'islam. Mais c'est quoi l'islam? C'est quoi l'islam? Les cinq piliers de l'islam. Le premier pilier, on n'est pas capable de l'expliquer correctement. Et donc c'est quoi l'islam? Quelle est la croyance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il est important qu'on comprenne cela, qu'on apprenne cela, afin d'être prêt à ce moment, pour ce moment fatidique. Et donc ces gens-là, ils diront, nous avons répondu à son appel et nous avons cru en lui. Et c'est ce qu'il voulait, le Bukhari, dans ce hadith. Parce que cela nous montre, lorsqu'ils disent, nous avons répondu à son appel, c'est-à-dire que nous l'avons suivi. Ces gens-là, lorsqu'ils sont dans la tombe, s'ils n'ont pas suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne peuvent pas dire, nous avons répondu à son appel. Parce que dans la tombe, tu ne peux pas mentir. Ici-bas, oui, tu peux dire à tout le monde, oui, je suis le prophète, je suis le prophète, je suis sa voix, j'aime le prophète. Tu peux mentir à tout le monde si tu veux, mais dans la tombe, ce n'est pas possible. Et donc ces gens-là, s'ils disent qu'ils ont répondu à l'appel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'ici-bas, pendant qu'ils étaient vivants, ils l'ont suivi. Ils ont œuvré avec ce qu'il y avait dans le Coran et la Sunna. « Fayuqal nam salihan, alimna annaka muqin. » Alors il sera dit, « Dors en étant pieux. Certes, nous savons que tu es sûr, que tu as la certitude. »« Wa ammal munafiq awil murtab la adri ayya dhalika qalat asma. » فَيَكُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَكُولُونَ شَيْئًا فَكُلْتُهُ Allahu Akbar. Ensuite elle dit, concernant l'hypocrite ou celui qui a des doutes, je ne sais pas ce que Asma a dit. Et donc elle doute ici entre celui qui est hypocrite et celui qui a des doutes. Cette personne-là, elle dira, je ne sais pas. Quand on va lui poser des questions dans la tombe, cette personne dira, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire quelque chose, alors j'ai dit comme eux. Il y a dans cela, dans ce passage, barakallahu fikoum, l'importance quant au fait d'apprendre notre religion. Quelle est la croyance du prophète? Quelle est la croyance des compagnons? Afin d'être sûr de ce que c'est que l'islam. Afin que tu sois sûr. Car celui qui doute, celui qui a une foi faible, lorsque une fitna vient, il est difficile pour lui de suivre la vérité. Et c'est pour cela que Hudhayfa nous dit, comme dans Sunan Abi Daoud, le rapporteur du hadith qui nous dit, كَانَ لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ إِلَّا قَالَ اللَّهُ حَكَمٌ قِسْطٌ هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الْفِتَنِ. Abu Daoud, il cite dans son Sahih, dans son Sunan, que Hudhayfa, radiallahu anhu, le compagnon du prophète, il ne s'asseyait dans aucune assise pour faire le rappel d'Allah sans qu'il dise aux gens, c'est-à-dire à chaque fois, imaginez les frères, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il vient faire un rappel aux gens, aux tabi'un, à ses élèves, à chaque fois, il leur disait, certes Allah, il est hakemun qist, Allah juge avec justice. Ceux qui sont dans le doute sont dans la perdition. Il le répétait trois fois. Ceux qui sont dans le doute sont dans la perdition. Ceux qui sont dans le doute sont dans la perdition. Et ensuite, il citait le hadith concernant les fitanes qui vont arriver, qui vont toucher la communauté musulmane. Et donc, il est important que tu ne sois pas dans le doute. Pour te préserver des fitanes et pour te préserver de la fitna de la tombe, il est important que tu connaisses quelle est la croyance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi dans ce hadith le fait de se méfier quant au suivi aveugle. Le suivi aveugle. Le fait de suivre aveuglément les gens. Les gens ils disent, oui, il faut faire ça, ok. Oui, il faut faire comme ça, ok. Non, il ne faut pas faire comme ça, ok. Cherche à comprendre la preuve, barakallahu fik. Tant que tu en as la capacité et que tu peux demander, te renseigner pour avoir une preuve, alors cherche la preuve. Ne suis pas aveuglément, car nous pouvons nous tromper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu prier. Nous ne l'avons pas vu prier, mais les compagnons nous ont décrit comment ils l'ont vu prier. Alors, nous devons suivre les compagnons. Nous devons donc prier comme eux ont décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier hadith qu'on verra aujourd'hui, inshallah ta'ala, le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Da'ouni ma taraktukum »« Laissez ce que j'ai délaissé vous concernant. » Innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idha nahaytukum an shay'in fajtanibuh wa idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes les gens d'avant vous furent dans la perdition à cause de leurs questions et du fait qu'ils s'opposaient à leur prophète. Alors lorsque je vous interdis quelque chose, délaissez-le. Et lorsque je vous ordonne quelque chose, alors faites-le en fonction de vos capacités. Ce hadith, il est dans Sahihain, Al-Bukhari et Muslim. Al-Bukhari ici, il a cité une partie du hadith. Muslim, il l'a cité en entier. Et certes, la narration de Muslim nous permet de comprendre bien surtout le début du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Inna Allah farada alaykum al-hajj fa hajju. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit certes Allah vous a rendu le pèlerinage, le hajj obligatoire. Alors faites le hajj. Un homme a dit Kul am ya Rasulallah, est-ce que c'est chaque année au messager d'Allah? Est-ce que nous devons faire le hajj chaque année au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son éloquence, s'il voulait nous dire que le hajj il est obligatoire chaque année, il l'aurait dit directement. C'est pour ça qu'il a répondu sallallahu alayhi wa sallam la qultu na'am li wajabat. Si je vous avais dit oui, si je répondais à ta question en disant oui, alors là ça aurait été obligatoire. Wa lam astata'tum, et vous n'aurez pas pu le faire. Et ensuite il a dit sallallahu alayhi wa sallam daruni ma taraktukum. Délaissez ce que j'ai délaissé vous concernant. Tu n'as pas besoin de poser cette question. Nous devons délaisser les questions exagérées. Et ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes les peuples d'avant vous furent dans la perdition à cause de leurs questions et du fait qu'ils s'opposaient à leur prophète. S'opposaient à leur prophète, ils faisaient le contraire de ce que leur prophète leur disait. Subhanallah alayhi wa sallam. Le prophète qui nous dit, laissez vos barbes. Le prophète qui nous dit, taillez les moustaches. On les laisse dépasser jusqu'à ce qu'elles rentrent dans la bouche, qu'elles descendent jusqu'à la barbe. Ali radiallahu anhu qui a donné la limite 40 jours pour la moustache, les ongles, etc. 40 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit concernant les habits, etc. Et nous, à chaque fois, on fait le contraire. Pourquoi? À cause d'une ambiguïté qui est propagée dans la communauté musulmane. Quelle est cette ambiguïté? Cette ambiguïté, c'est tout ce qui vient de la sunna, c'est sunna. Tout ce qui vient de la sunna, ça veut dire recommandé, ce n'est pas obligatoire. Et donc, il est important qu'on comprenne. Dans la sunna, il y a des ordres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a ordonné, nous devons le suivre. Allah nous a dit, wa atiru Allah, wa atiru Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au prophète. Et dans la sunna, il y a les recommandations. Ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a recommandé. Et nous a montré que c'est mieux de faire comme ça. Le musulman doit donc apprendre et doit savoir. Et donc ça c'est un mode de vie que nous devons avoir. Mais tout cela tu ne le comprends qu'en apprenant. Ça tu ne peux pas le savoir sans apprendre. Et c'est pour cela que lorsque vous voyez vos frères, barakallahu fikoum, qui ont peut-être moins de connaissances que vous, parfois certains ils ont juste besoin d'entendre une bonne parole, d'entendre un hadith. Tu vas le voir, tu dis, ah oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça. Ah, je ne savais pas. Ceci sera la cause de la guider de cette personne. Parfois on est là, la personne ne sait pas et premier coup, bam, on lui met une baffe presque. Yahri, qu'est-ce que c'est que ça? Etc, etc. Alors que toi au début, tu n'étais pas comme ça. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal, il nous dit que ذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا. C'est ainsi que vous étiez auparavant. Alors Allah vous a comblé de ses bienfaits, alors vérifiez. Demande à la personne, Yahri, est-ce que tu es au courant de telle chose? Est-ce que tu sais que le prophète l'a dit ça, ça? Non, non, c'est pas directement tu vas te comporter avec ton frère, avec dureté, etc. Les gens, ils ont besoin qu'on leur explique. Parce que ces ambiguïtés sont propagées dans la communauté musulmane. Pourquoi? Parce qu'on n'ouvre pas souvent Sahih al-Bukhari. On n'ouvre pas souvent Sahih Muslim. On n'ouvre pas souvent Sunan Abi Daoud. On n'ouvre pas souvent Jami al-Tirmidhi. On n'ouvre pas souvent Tafsir ibn Kathir. On n'ouvre pas souvent Tafsir ibn Sa'di. On n'ouvre pas souvent les livres des savants. Et donc c'est normal, les gens ne savent pas. Ils ont donc besoin qu'on leur enseigne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit donc que les peuples d'avant nous furent tombés dans la perdition par leur opposition au prophète. Voilà pourquoi il dit sallallahu alayhi wa sallam « فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوا » Lorsque donc je vous interdis quelque chose, alors éloignez-vous-en. « اِجْتَنِبُوا » Le prophète, il t'a interdit quelque chose. Non seulement tu ne le fais pas, mais en plus de ça, tu t'en éloignes. Un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit la fornication. On doit s'éloigner de la fornication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas forniquer et tu vas délaisser toutes les causes qui mènent à la fornication. Toutes les causes. Les paroles douces, les si, les ça, est-ce que je peux garder ton numéro de téléphone, et blablabla, bla, bla, et bla. Toutes ces causes-là, c'est des causes qui mènent à la fornication. Au début, tu ne vas pas te dire « je vais forniquer ». Shaitan, il ne va pas venir te voir en te disant « fornique, fornique, fornique ». Il vient te voir en te disant « c'est bon, prends son numéro, ce soir tu lui expliques deux, trois trucs, et puis l'histoire elle est réglée ». Le soir tu arrives, deux, trois trucs. Le lendemain, quatre, cinq trucs. Le surlendemain, six, sept trucs. Hein? Et montons, jusqu'à ce que, ah, ça serait bien que je vous donne tel truc. Quelle est votre adresse? Shaitan, il va pas venir en te disant, va forniquer. Il va venir, elle a besoin d'aide, la pauvre. Une machine à main, elle avait à monter jusqu'au cinquième étage, quand même. Ne la laisse pas comme ça. Allez, hop, on y va. Et c'est comme ça qu'on tombe dans les turpitudes. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit quelque chose. Nous nous en éloignons. Et concernant la capacité, concernant les obligations, il dit sallallahu alayhi wa sallam, et ce que je vous ai ordonné de faire, alors faites-le en fonction de vos capacités. Et donc, dans la législation, le dernier point qu'on verra, les frères, dans la législation, il y a une différence entre les ordres et les interdits. Concernant les ordres, tu dois les délaisser. Il n'y a pas histoire de mais je ne peux pas. Excusez-moi, concernant les interdits, tu dois les délaisser. Il n'y a pas histoire de « je ne peux pas », etc., etc. On avait déjà vu ce hadith, on avait cité l'exemple du fumeur. C'est interdit, tu ne peux pas dire « non, mais je ne peux pas ». Oui, petit à petit, ou et. L'alcool, « non, je ne peux pas », petit à petit, tout petit, tu ne peux pas dire ça. Concernant les interdits, on ne parle pas de capacité. On parle de capacité concernant les obligations. Concernant ce que je vous ai ordonné de faire, alors faites-le en fonction de vos capacités. Tu dois prier debout, tu ne peux pas prier debout, alors prie assis. Tu ne peux pas prier assis, alors prie couché, etc., etc. Tu ne peux pas faire le pèlerinage, tu n'as pas les moyens, alors tu attends. Le jour où tu pourras le faire, tu le feras. Tu n'as pas les moyens de prendre ta voiture ou de prendre ton vélo, aller à la mosquée, alors cela ne t'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les capacités. Alors, concernant les ordres, il y a la capacité. Mais concernant les interdictions, nous devons délaisser formellement les interdictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça le suivi du prophète. On dit tous, nous suivons le prophète et cela, nous le voyons dans l'application de ce hadith. Lorsque tu dis, je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on te demande, est-ce que tu suis le prophète Mohammed? Tu dis oui, mais bien sûr, je le suis. Alors pense à ce hadith et à ton application de ce hadith. Et là, tu verras ce que tu dois changer dans ta pratique religieuse afin de suivre correctement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. La semaine prochaine, on prendra un nouveau chapitre bi'idhnillahi ta'ala. Qu'Allah azza wa jal nous accorde à tous la réussite et une science profitable. Il est capable de toutes choses. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.